Ben, je vous remercie infiniment, Bernard de Montréal. À la prochaine. Créer du mensonge, ça veut dire induire l'homme en erreur psychologique. Mm-hmm. Ça veut pas dire nécessairement induire l'homme dans le mal. Ça veut dire induire l'homme dans l'erreur psychologique. Ça veut dire faire des constats qui sont pas réels. C'est-à-dire que tu vas faire des constats qui sont basés sur la réflexion de l'ego et non pas sur la fusion morontielle de ta conscience. Mm-hmm. Donc, à